Stranger, what do you want? What are you buying? What are you selling? Brother? Non, non, mais je viens de recommencer à jouer à Resident Evil 4, puis le gars, moi je le trouve assez puissant, ce bonhomme-là, parce que des fois, tu sais, il y a comme un campement qui vend des armes super fortes en dessous de militaires zombies. Puis là, tu descends dans un tunnel, puis des fois, tu le vois, tu pognes un bateau, tu traverses le lac, tu sors dans une grotte de l'autre bord, puis il est là déjà. C'est Wish. Ouais, mais en tout cas, comme dans Robin Stella, genre. Ouais, c'est ça. Hey, je suis content de vous retrouver, tout le monde. J'ai trouvé que Andy avait fait un bon travail la semaine passée, fait que je peux mourir l'esprit tranquille. Ben oui, ça paraissait, là. Des fois, on vous sentait avoir de la misère, là. Non, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai trouvé le show très divertissant, en tout cas, puis merci de m'avoir pas oublié, tu sais. Ouais, inquiète-toi pas. Hein, c'est ça. Moi, j'ai vu des étoiles, en tout cas, ça a fait... Ouais, c'est ça. Hey, ça me fait plaisir de vous rappeler qu'on a le party de Geek qui se passe ce vendredi ici. Et que jeudi, il y a un show de magie, puis moi, j'aime ça, ben, magie, fait que je vois ça. Ouais. Aussi avec... Je vais parler de quoi d'autre? Aussi avec le groupe Reine de France. Ouais, c'est ça. Ouais, avec Reine de France et Digit Missile Command, c'est tous des amis à nous autres. Alain Choquette. C'est de la vraie magie. Puis hier, j'ai comme eu la réflexion suivante, c'est que les jeunes ne se sont jamais trompés entre caca et pipi, dans le sens que tu dis jamais « Ah, je vais aller faire caca », puis « Ah non, je voulais dire pipi ». C'est bien acquis, ça, d'habitude. Tu sais, ouais, c'est ça. Wow. J'ai comme réalisé ça, puis j'ai réalisé gauche, aussi que quand tu mélanges caca et pipi, là, ça fait « sissi » puis « papa ». Mmh. Ouais. Wow! C'est j'ai bien dormi en tout cas la semaine que j'étais ça, c'est pas là. C'est encore la conspiration féministe. Là. Ouais, sûrement. Ouais. Puis en fait, ça m'a permis aussi d'être au chalet, de voir les étoiles, d'avoir des réflexions profondes comme ça, de passer du temps de qualité avec mes parents et de visiter le Pontiac. C'est une région de l'ouest de la Gatineau. Eh bien, c'est ça. Fait, t'as-tu quelque chose juste une fois? Au chalet que t'avais jamais non, fait avant? Non, mais c'était pas vraiment le chalet, c'était plus le camping. On en a parlé hier. Ouais, on a mis ça bien au que c'était pas un chalet. Pas un chalet que... Non. Il a pas fait des affaires juste une fois. Non. Puis j'ai trouvé ça spécial parce que j'en parlais avec mon père puis tout, tu sais, puis... Là, ils ont tout le petit lot au camping, puis toute la pelouse est comme bien tondue, tu sais. Puis ils ont toute une petite chaise à côté de leur pelouse, puis tout. Puis moi, je trouvais ça, tu sais, là, j'ai... T'sais, vous avez pas une tondeuse commune à vous prêter, là, la gang. Non, ça aurait l'air fou, tu sais. Ah, fait que là, ils ont chacun leur tondeuse dans leur petite chette dans le camping, pis tu sais, qu'est-ce qu'ils ont chez eux? Une tondeuse. Ils ont chacun une tondeuse, c'est sûr et certain, mon gars. Ah, là, je trouve ça super weird. Puis sinon, ben j'ai écouté l'instant gagnant. Ça a été... Moi aussi? On a des... Tu sais, on a plein de clips qui viennent de Call TV, pis c'est la même affaire, dans le fond. Pas mal la même affaire. Mais en pire, je pense. Ouais, en plus cheap encore, je crois. L'instant gagnant, c'est plus cheap que Call TV. Hey, mais là, pour vrai, ça commençait par C, on cherche un animal. Là, le gay avoué, pendant 80 minutes non-stop, il nous disait, tu sais, des phrases comme « Ah, moi, je vous jure, j'étais sûr que vous étiez pour le trouver vite. » Puis là, on passait en mode de vitesse, puis en mode, tu sais, il y avait des affaires qui changeaient, puis du bruit, puis tout, puis on comprenait pas, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, t'arrivais à dernière offre. La dernière offre, ils l'ont monté 4 fois. La vraie dernière offre. Ah ouais, non, mais je veux vraiment vous donner cet argent. L'extrême ultime dernière offre. Ouais, la fin fond de la fin fond. Puis là, hey, là, le monde, il appelait, tu sais, puis tout. C'est quoi l'animal, finalement? C'est ça, hein, que tu veux savoir? Ouais, c'est ça, je veux savoir. Tu serais prêt à donner comment pour que je te le dise? Moi, je suis prêt à te donner 100 $ si tu me le dis tantôt. Check. Puis sinon, ok, ouais, cobaye. Tu vois, on a fait un loup, parce que je lui ai pas dit, je lui ai montré. C'est cobaye. Ouais. Ah! Cobaye. Ouais, ça n'en revenait pas. Ah. À un moment donné, il est échappé. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu spécial, tellement que c'est comme... Il a échappé son crayon qui sert à rien. Ouais. Puis là, la caméra s'est comme approchée du mot pour le laisser se pencher hors cadre pour aller chercher son crayon qui sert à rien. J'ai trouvé ça fabuleux, comme si, tu sais, il fallait pas le voir se pencher, mettons. Là. Surtout qu'il y a tout le temps un crayon. Je vous jure, on pensait passer à peine 5 minutes sur ce jeu. On est à 80 minutes. Là. C'est facile. Tout le monde sait de quoi je parle. Bon, téléphonez. On l'a dit tantôt, cochon. Écoutez. C'est le fun. Je trouve ça le fun des gays comme ça qui sont des stéréotypes gays. Genre, ça remet les affaires en perspective. T'sais. C'est ça. Hello! J'ai une super pêche d'enfer. Sinon, ben, j'ai donné 10 trophées Laurent Proulx depuis le début. Puis sûrement qu'Ariel Grenier, j'avais jamais vu sa performance. C'est fabuleux. Ensemble, en fait. Hein. Oui. Ben, c'est ça, je pensais que c'était juste comme la grande dame derrière l'homme, mais elle a un CV étoffé quand même. C'est ça, oui. Là, je suis bien content de décerner des trophées Laurent Proulx, mais bon, je vais vous épargner ça. À la place, Dieu, est-ce que tu veux mettre le premier clip 0-0? J'aimerais ça va faire lien avec la dernière chose que je veux parler en ce prélude d'émission de mon retour. Attendu. Pour une période des fêtes inoubliable, servez à votre famille un dessert exceptionnel. La bûche à la crème glacée Lambert. Un vrai petit chef-d'œuvre de décoration et de bon goût. Ah, la bûche à la crème glacée Lambert. Tranche après tranche, que de la crème glacée et du gâteau au chocolat avec noix et cerises. Digne d'un parfait dessert des fêtes. Exigez les fameux desserts Lambert. La bûche à la crème glacée Lambert, un autre merveilleux produit Lambert. Vous les trouverez au comptoir des crèmes glacées de votre épicier. Pour les meilleurs desserts, c'est toujours Lambert. Mais attends, moi contre elle, mon gars. Moi contre elle, je te pogne n'importe quand, Lambert. Mais ça, c'est un dessert parfait pour le Noël du campeur, par exemple. La bûche frette, mon gars, on va la prendre certain. Puis, tu sais, le bûche, feu de camp, puis voyons. Ouais. On s'en va écouter une toune qui s'appelle C'est l'été, c'est Boondock Lanois. Parce que Boondock a fait des tounes après que ce soit plus Boondock. Ouais. Pas tout le temps des bonnes, là, mais... Ça y ressemble plus, je pense. Celle-là est bonne. Ouais. Ça y ressemble plus. Ça y ressemble plus. C'est son projet de solo. Il nous les sort tout le temps. Il est bon, hein? Ouais, il est bon. Ah, ouais, quand même, j'ai trois répliques. Je suis content d'être revenu. Let's go, Dieu, face play, là, face play. Please. Mon Plymouth rouge, on est parti, y a rien qui bouge. Sur le même banc, il y a Simone. Des quatre enfants qui se courent la face. L'été, comme chaque été, à tout hasard, je prends mon char espérant de voir quelques palmiers. L'été, comme chaque été, à tout hasard, je prends mon char, je me retrouve quelque part à percer. Comme un roi assis sur son trône, une banquette en vinyle jaune. On me vénère dans toutes les haltes. On me déroule un tapis d'asphalte. L'été, comme chaque été, à tout hasard, je prends mon char espérant de voir les ruines d'Athènes. L'été, comme chaque été, à tout hasard, je prends mon char, je me retrouve d'un rang à Sainte-Hélène. Douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. De Desperes au Missouri a arrêté un suspect qui aurait réussi à manipuler des femmes afin de recevoir des câlins. L'homme se présentait à des femmes inconnues leur disant qu'il se souvenait d'elles, qu'il habitait dans la rue, dans la même rue quand il était petit, puis que c'était son anniversaire, demandant un câlin comme cadeau d'anniversaire. Les femmes, embarrassées du fait qu'elles ne se souvenaient pas de lui et prises de court par sa confiance, acceptaient la requête. Un total de 32 plaintes différentes ont été reportées à la police dans ce qu'on appelle maintenant l'affaire Jack the Gripper. l'identité de l'homme de 44 ans n'a pas été rendue publique toujours, mais je vais pas venir au courant, là. Ils veulent moins de lois, mais plus de gouvernement qui va les excuser s'ils font des câlins à des étrangers. Ouais, c'est ça. En même temps, les femmes, ils acceptent de le faire, puis après, ils s'en vont au courant, se plaignent à la police. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est embarrassant. Je sais pas, ouais. À toi aussi, hein, t'as... Moi, j'ai senti que c'était bizarre, hein, c'est... Il y avait une érection. On parle-tu d'autre chose? Non, faudrait régler ça. En tout cas, j'y souhaite aux gars d'avoir... l'affaire Jack the Gripper, c'est super hot. Ouais, c'est pas vrai. Continue. Ils l'ont trouvé, celui-là, mais contrairement à l'autre. Un homme de Fall River, au Massachusetts, a plaidé non coupable à des accusations de négligence criminelle et de voies de fait après avoir enfermé ses deux fils de 3 et 6 ans dans le coffre de sa Trans-Am pendant qu'il allait magasiner pour des articles de sport. Michael Mohannon, 35 ans, affirme que ses fils aiment jouer dans le coffre de la voiture et qu'il les aime beaucoup. Il a été libéré sous caution. Les enfants sont sous la garde de leur mère. On reste dans les pères irresponsables. Aaron Stefanski, 29 ans, et 0.17% d'alcool dans le sang, voulait faire un tour de manège improvisé à ses 3 enfants et au fils d'une voisine. Il les a attachés au capot de sa voiture avec une courroie. Il était sur le plan, point de faire un tour du bloc, quand un commerçant s'est approché de lui pour lui demander ce qu'il était en train de faire. Après avoir reçu une réponse très alcoolisée, il a appelé la police et s'est présenté sur les lieux à arrêter Stefanski. Il a plaidé coupable à 4 accusations de négligence criminelle, lui, par contre. Ah. Ben, Stefanski, c'est un drôle de nom de famille. Ouais, quand même. Ça a l'air d'une joke. Stefanski, finalement, c'est une identité secrète d'un super vilain. Aaron S. Stefanski. Oh, Stefanski. Faut pas que tu zones là-dedans. Ah, tu veux-tu en faire un autre? Je peux en faire un autre. Ouais, puis après ça va être Étienne. C'est bon. Alors, tu vas l'aimer celle-là. Une femme de 28 ans a été arrêtée après un vol de station-service raté dans la ville de Kingsport, au Tennessee. Alexis Yates s'est présenté dans la station-service portant un chandail à capuchon et un masque de ski qu'elle portait sur la tête, laissant son visage à découvert. Lorsque le commis l'a aperçu, elle a descendu son masque sur son visage et s'est présentée au comptoir et a pointé la poche de son chandail signifiant qu'elle avait une arme. Le commis, qui l'a plus tard identifié par son prénom, lui a donné l'argent de la caisse et Yates s'est enfui. Elle a été appréhendée quelques minutes plus tard, joguant dans un stationnement, une liasse d'argent dans les poches, l'arme, un fer à friser, a été retrouvée dans des buissons un peu plus loin. Bon, à l'arme du crime, hein? L'arme du crime, là. Encore un titan qui s'attaque à un innocent dépanneur, parce qu'on avait dit que station-service puis dépanneur, ça comptait. Ouais, c'est... Liquor store, station-service. Tout comme Gérald Butler, c'est un acteur shakespearien, puis voilà. Les Mexicains sont petits. Ils ont des grosses têtes. Là, les grosses têtes. Ils ont des grosses têtes, c'est ça. On se mélange. Oui, ils ont des petites têtes, ils ont des grosses têtes. Ils ont des grosses têtes, j'avais pas vérifié ça avec vous, là. Bah, ouais. Mais là, je ne le vérifierai pas une troisième fois, là. Yeah! Et oui, les amis. Me voici, me voilà. Alors, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que je me suis fait couper les cheveux aujourd'hui. Oh, c'est vrai, ça? Eh oui, vous voyez, les cheveux ici plus courts que d'habitude. Puis ça, c'est à la demande générale de plein de monde. J'ai reçu plein d'emails me disant que mes cheveux étaient longs, que ça faisait dur, que j'étais dû pour aller me faire couper les cheveux quand j'allais le faire. J'ai reçu, entre autres, un email de ma mère, Kathleen Metcalf. Également un email de plusieurs auditeurs anonymes, dont une Metcalfka à hotmail.fr. Également une Kathleen M à gmail.com. Et finalement, une Matlin Ketcalf. Dont j'oublie l'adresse email. Donc, devant toute cette pression, ben, je suis allé me faire couper les cheveux et ça m'a inspiré le thème d'aujourd'hui, les chansons sur les cheveux et ce qui entoure les cheveux. Oh, yeah! Alors, il y a étonnamment plein d'affaires, finalement. Sur le coup, j'ai eu l'idée vaguement de même en pensant à une toune ou deux, puis en creusant un peu, il y en a vraiment beaucoup. Premièrement, la toune la plus vieille qui a rapport avec les cheveux, puis même en plus avec la coupe de cheveux que j'ai pu trouver, ça date de 1924. Le chanteur s'appelle Dréhan. C'est un chanteur français qu'on suppose que son vrai nom, ça devait être André, puis que c'est une formidable blague. Donc, je passe ça et vous allez voir, ça met de l'ambiance. L'autre jour, ma femme me dit, vois-tu, mon chéri, pour te plaire, j'ai fait quelque chose de bien gentil. J'ai fait ce que font toutes les femmes en ce moment, pour être tout à fait dans le vent. Elle enleva gentiment son chapeau, et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt, elle s'était fait couper les cheveux, comme une petite fille gentille, elle s'était fait couper les cheveux. En 6 ans, ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes... Et voilà, Dréhan. Ah ouais, donc ben, ça, c'est... Déjà, dans ce temps-là, c'était la formule. Oui, c'est ça. Ça a resté pas mal, hein, ce genre d'air-là, après coup, pendant pas mal, genre, 30 ans, là, tu sais, avant que ça évolue. Évidemment, probablement la toune de cochonnerie la plus connue qui a rapport avec les cheveux, c'est Claude Valade qui l'a indiqué en 1975. La toune que souvent des gens appellent « Mets ta main dans mes cheveux », à tort, alors qu'en fait, elle s'appelle « Aide-moi à passer la nuit ». Mais vous la connaissez toutes. C'est son plus grand succès à vie, jamais égalé après. Mets ta main dans mes cheveux, parle-moi dans un murmure, je veux fondre dans tes yeux. fond dans mes yeux. C'est un peu dégueulasse, ça, quand comme on y pense. Comme les ombres sur la viens t'étendre près de moi. Mets ton corps tout près de moi. C'est le, son plus gros hit, là. C'est son plus gros hit, ça. Ça a été repris disco, j'espère, parce que sinon... Ça a été repris par ici, Germaine Riendo. Oh! Ça, j'avoue que j'ai été déçu quand j'ai vu le nom. Je pensais que ça allait être plus hot que ça. Finalement, c'est pas mal pareil. Il y a un peu plus de beat. Un peu plus country. Plus aussi. De drum. Mais d'elle, différemment. Mais sinon, ça a été ensuite repris en 2007 par Annie Blanchard. Oh! Donc là, qui nous en l'a 2007. Fait. Ouais, qui nous l'a fait à la moderne Star Academy style. Ah, si, ben oui. Évidemment. Ta main dans mes cheveux. Exactement. Parle-moi. Ah, baby. Yeah, yeah. Je veux fondre dans tes yeux. Ah, c'est généré. Comme ah, ouais, ouais, je pourrais faire une tune de même. Qu'un instrument. Je connais des gens, par contre. Bruno, fais-moi une tune de même. OK. Mets ta main sur ma queue. Ah, mais un autre. On va passer de générique poche de 2007 à générique poche de 2003 avec Garou. Oh! Ça, Garou, j'en mets vraiment pas souvent. Non, hein? Non. Fait que j'en mets une là. Je vous promets que ça va être correct pour un grand bout. On l'écoute au complet! Mais tout juste. Non, personne! À dur juste 2 minutes 17, on remarque s'il y avait une à écouter au complet, pourquoi pas celle-là. Mais ça s'appelle. Ah, ok, on le fait. On le fait, c'est bon. Ça fait un peu Grégory Charles. Et ça s'appelle Pendant que mes cheveux poussent. Ben moi, je veux juste que, comme, Garou voit que ça tourne à la passée, à au complet. Oui, à au complet. Parce qu'il va être informé de ça tout de suite après. Là. C'est la faire qu'on s'est tout à s'arrêter. Et laisser mes cheveux tomber. Je peux grandir et devenir un homme. Ok, je prends la peine d'allumer le micro et de baisser le son parce que j'ai le goût de donner mon opinion. Là. C'est bien de la merde. Mais c'est vrai que c'est pas Garou non plus, c'est vrai Grégory Charlier. Effectivement. Le soir, on a toujours le soir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a bien motivé. On a bientôt écouté une minute. Je peux juste me taire et vraiment essayer. Si c'est tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai, rien ne manque. Qu'est-ce que j'emporterai de l'autre côté? C'est fini. Dernier sprint. Hey, merci de ne pas mettre souvent du Garou, Étienne. C'est la dernière fois pour cette année. Bon, ben hey, voilà. Bon. Merci beaucoup. Tu restes avec nous pour la reste de l'émission. Cette année, si on constate le nouvel an du campeur, là, qui est le 1er août. Exact. J'entends des gens rock. T'es con. Ah oui, le premier mois, bien sûr. Ouais, le 1er août du premier mois. Allez, hey, let's go, c'est Mathieu. Là. Oh, je n'étais pas prêt. Oh. Ah non! On, j'étais pas prêt. On va aller en clip. On va aller voir The Brodies. Ah t'as oui! Oui, c'est parce que je voulais vous faire un spécial là, prochainement des Brodies. Je trouve ça fabuleux, cette bande-là. C'est un gars qui venait de Redcore. C'est ça? Ouais, Redcore. Et ouais, puis le bassiste. Et son père qui est producteur de musique maintenant parce qu'il a financé l'album qu'il fait avec deux de ses chums. Mais c'est quand même beaucoup de narcissisme et pas beaucoup de nouvelles choses à dire, et c'est présenté dans un format compact de 10 épisodes de télévision fabuleux. Et ils ont fait des clips, le résultat de ça, fallait que ça finisse avec des clips parce qu'il faut un album aussi. Puis juste pour vous dire, mettons, le producteur qui ont choisi l'album, qui est, je me rappelle plus qui, là, un gars là, qui est bon, puis il a pris toutes les tracks, puis il a dit ah non. Ils ont recommencé toutes les trains. Puis il y a un épisode au complet sur les disques. Ils prennent ça comme. Puis non. Fait que là, en tout cas, The Brody, c'est Gaga for right. Let's go. Sometimes it's better. There's always someone who's complaining. Corruption in society. Irresponsibility. People with the power going crazy. Let's go! Salut. Bonjour. C'est pas mal ça qui se passe cette semaine. J'ai mis mon t-shirt de Louis. En fait, c'est lui. Je sais pas si tu peux voir. J'ai mis mon t-shirt de Louis. Oui, on voit ton t-shirt de Louis, Mathieu. Qui est là? Louis est là. OK. Ouais. C'est moi. J'ai amené Louis aussi. Parce que c'est plus qu'un t-shirt. C'est aussi une personne. J'ai toujours aussi une personne. Allô, personne? Là, je te propose quelque chose. Moi, je veux me confier à toi cette semaine. Moi, là, ça m'a pris du temps beaucoup à saisir que les chansons que j'écrivais, c'était de l'optimale. Fait que, pour plus plein de raisons, tu sais, l'expérience, la technique, la pratique aussi, puis l'interprétation, hein, tu sais. Dans le fond, il n'y avait pas grand-chose, tu sais. Oui. Mais je voulais en Christ, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire des concours, tu sais. Moi, j'étais certain que c'est par là qu'il fallait passer, tu sais, parce que quelque part, ça passe à la TV, tu sais. Fait qu'on y croyait tous. Puis le dernier que j'ai fait, c'était en 2005, ça s'appelle le Tremplin de Dégely. Puis ça, Dégely, en fait, c'est une petite ville de 3200 habitants, pardon, qui nous invite. Dégely, c'est comme le dégel, mettons. Ouais, ça vient de. Okay. D'ailleurs, ça vient de ça. Wikipédia m'a informé de ça tantôt. Comment ça va, Wikipédia? Va super bien, le site. Tout. Oh, ouais, elle va super bien. Fait que c'est ça. Dégely nous invite, nous, hein, moi, je, et tous mes semblables. Les odeurs composteurs interprètes du Québec. C'est comme Joanne Marcotte. De ce monde. Il gouvernait maman. À expulser, il nous invite à expulser devant un public subjugué nos surfaces misérables dans une course aux vainqueurs où des juges impitoyablement achetables s'entendent dans une zizanie complète sur qui sera leur prochaine victime fashion. Des dignes représentants de la culturelle ou des gérenciers d'artistes, des producteurs de marchandages ou encore même des idoles en personne hein, qui servent plus souvent de porte-manteau officiel et de présentateurs durant les sacrifices concouristiques. Tous s'y mélangent au mieux de leurs individualités, intérêts et autres prétentions à la découverte du siècle. Cette année-là, c'est un Éric Lapointe qui a gagné. Ah ben, ouais. En quoi, en 2005, ça? En 2005. Ah! Le gars, j'ai passé une semaine avec, hein, il était vraiment super cool, là, c'est vraiment une sacrée bonne personne, mais désolé, dude, tu te cherchais autant que moi, puis tout ce qu'on a crissé là, c'est se donner la chance à un vautour de nous bouffer la face. Dans le but avoué de propagander ma piètre prestation, j'ai moi-même organisé une purge par le feu, hein. J'ai demandé à mon ami ici présent, Louis-Ernest Bois, la mission. J'ai donné la mission de dénaturer l'immondice audiovisuel m'ayant permis de me rendre compte de ma médiocrité et d'en faire ce que bon lui semble. Alors Louis, je ne sais pas si tu peux nous résumer le vidéo. Ouais, ben je viens d'emménager avec Mathieu, puis au moment de défaire les boîtes, Mathieu semblait vouloir nous montrer les vestiges de son passé. Puis il semblait avoir un peu honte de nous le faire écouter, mais il a quand même été poussé le dégoût jusqu'à nous montrer l'objet de sa psychose qui était... Fallait comment que ça sorte. Le concours. Le concours. Puis on a beaucoup ri, surtout les prestations avec Maxime Landry. Moi, j'ai joué. En fait, pour l'aider dans sa psychanalyse, à passer par-dessus ses démons intérieurs, j'ai décidé de garder... Non, c'est plutôt l'inverse. J'ai décidé d'enlever ce qu'il y avait de mauvais. C'est-à-dire tous les moments où il chantait. Sauf que j'ai gardé un verre vers la fin. Ça finissait sur une note d'espoir. Mais fait qu'on va voir Mathieu jadis qui va participer avec Maxime Landry à un concours à Dégely. Ouais, puis ce qui fait encore plus peur dans ce vidéo-là, c'est que c'est en 2005 et on dirait que ça a été fait la semaine passée. J'ai la même crise de face. Ça fait peur un peu. Ouais. 70%. Ouais. Sinon, on pèse play puis on a une primeur. C'est dans le play. C'est Louis Spectacle de Matt. Ouais. Ah, merci à Louis de t'être déplacé. J'habite pas trop loin. Écrire ses propres chansons, c'est tout un défi. C'est ses propres mots, ça vient souvent du cœur. C'est connecté direct. Et ça s'entend quand un compositeur, un auteur, compositeur, interprète vous les offre, ces chansons. On écoute les siennes. C'est notre dernier candidat pour cette première partie de ce deuxième gala. Il s'appelle Mathieu Boudreau et on l'applaudit. Bonsoir. Bonsoir. Tu savais pas encore. Mes 18 ans. Ce qui est tout à fait faux parce qu'en fait, ça, c'est la présentation de Maxime Landry. C'est une gracieuseté de Louis. Ouais, ouais. Ah, OK. C'est pas fini, on perd d'autres. Là. Ben oui. Yeah. Ben, merci beaucoup. Merci, Louis. On peut. Même si c'était tout près. Ce qui nous amène à mon petit poème. Merci, Mathieu. Ça me fait toujours autant plaisir. Puis l'avenir va se poursuivre de la manière que c'est supposé aller. Il y a beaucoup. Ah, rien. OK. Non, Mike White, il s'est fait conspuer pour avoir dit ça. Il n'y a aucun homme nulle part qui a le droit de dire qu'il aimerait ça se faire sucer par une madame. C'est sexiste. Surtout à soir. C'est très sexiste. C'est très, très sexiste. C'est triste. Julie Boza. Julie, oh Julie Boza. Que tu t'en ailles, je n'aime Boza. Autrefois, tu étais toujours là, mais dans quelques jours, ce ne sera plus le cas. C'est sûr que c'est pour le mieux, quoique quand tu seras plus là, ça ne sera pas mieux. Anyway, il faudra faire avec ce qu'on a. C'est pourquoi, devant tout le monde, je te demande, laisse-nous un cut-out grandeur nature que l'on pourra toujours nommer Julie Boza. Comme deuxième strophe à ce poème pour toi, Julie, je suis sûr que tu ne m'en voudras pas si je parle des tas de muscles imberbes que l'on voit partout au cinéma. Dans le film de ce soir, et en général, il y a plein de gars au masculin qui, quelque part dans leur puberté, ont tous oublié leur pilosité. En prison, spartiate grec, cow-boy, sportif, même si ça ne fait aucun sens, quand t'es un gars, t'es musclé, mais sans ta fourrure d'homo sapiens. Anyway, Hulk Hogan, Carl Weather, Billy Bragg, de leur ajouter quoi que ce soit, ça les rendrait moins beaux. Julie, je te nomme ici que je glisse sur toi un mot. Car ce poème m'est servi pour noter cet imberbe phénomène. Il est surtout pour te signifier combien tu étais apprécié. Logique et rieuse, toi aussi t'es imberbe, mais ça n'a rien à voir avec Martin Cove. Sois heureuse, reviens nous voir, voilà ta condamnation. Hulk Hogan, sinon, ira te faire entendre raison. Wow. Quelle énergie! Wow. Wow! Ça, c'était dans sa face. Ouais. Yes. Ah, va l'avoir. Là, là-dessus, on va s'en aller écouter un petit clip, parce que là, il est temps. C'est quoi qu'on va écouter? On va écouter, ah oui, le Brody Quinn. Ah non, Dennis Madalone pour Julie. Pour Julie, c'est Dennis Madalone. Ça, c'est pur. Ça, c'est vrai. À 70%. T'es aussi. Hey, Cédric Taillon! Voilà! Hey, bien content de te voir, mon gars. T'es en train de vivre l'aventure unique d'être le gars qui est là avec le t-shirt rayé. C'est une camisole. Ah ouais, c'est ça? Ouais. C'est que mes t-shirts de cover étaient sales. Je suis lâche. En tout cas, content de te voir parmi nous. T'as des dossiers chauds. Ma première fois ici. Dans le musée, à la radio, à 110% les deux en même temps. Pow! Avec deux micros, chose. On dirait que t'es en concert. C'est ça. Lequel? Le 3 et le 2. Tu t'appelles Patrick LaFrance. Ça me ferait plaisir. Tu veux que je nomme Patrick LaFrance? Tu veux que je me nomme Patrick LaFrance? C'est moi, Patrick LaFrance. Ok, c'est parfait. All right. Merci. content de faire ta journée. Clin d'œil, groupe Tazar, man. Groupe Tazar, tatoué sur le cœur. Il faudrait se faire un tatou. Des matching tatous. Mais toi, tu veux nous parler de choses intéressantes. Non, moi, je suis venu vanter notre expo, là. on a Got Save the Queen, là. Il reste 2 semaines au Fofoun électrique. C'est 60 portraits de la reine par 60 artistes québécois. Puis, vous devriez être au courant, là, l'image en shake. Je suis pas capable de le faire. Occupe-toi de ça, toi. On leur en a parlé. Là. Ça veut dire que toutes les peintures sont encore accrochées. Oui, sont encore accrochées. Puis, sont là jusqu'au 31 juillet au Fou. OK. Elle est bouquée à une couple de places à Montréal. Puis, le devoir dit qu'elle va virer en. Parce qu'on a fait la une du devoir. Oh shit! La une! La une, merci. C'est bon. De l'art visuel à la une du devoir. C'est pour votre premier numéro spécial. Pour votre premier numéro spécial en plus. C'est ça, mais je pense qu'on l'aurait pas fait. T'sais. Ils sont intéressés au politique, l'aspect politique de la chose. Ils ont de la misère à même parler du magazine. Mais c'est cool parce que dans le devoir, en fait, Fabien Deglise, en fait, a fait une assez belle. C'est super bon texte. Ouais. C'est ta version ouais, de la reine. J'ai trafiqué Carlotta Laurier pour que ça devienne la reine. C'est ça. Ça, ils l'ont mentionné à Radio-Can. Jacques Beauchamp était pas mal intrigué par la reine Nipple Out avec les ouais, guns. C'est la première fois qu'on ose. ouais. Puis elle est habituée à côté du texte de Biz à la 3e page. Ça a bien de la gueule. Trois pubs custom pour la reine. Le monde a vraiment trippé. Il y a des t-shirts qui ont été faits. La reine, man. Le monde a vraiment trippé sa reine. Mais la reine. La reine. La reine, ouais. Si tu veux te faire flipper une couple, il y en a des assez intenses. Là, il y en a des belles, il y en a qui ont été. Ils l'ont bien traité. Moi, j'ai avec bien aimé celle de Jake Dion. Là, que les deux. Ouais, ça, c'est Atalante. Celle de Jake Dion qui a fait ça, je vais vous dire, en un soir, je le call, on avait un spot de libre, puis il a busté ça. Il a même fait avec une face. Il a fait la reine avec et sans sa face, puis on a choisi celle sans. Mais. Jake Dion, toujours un plaisir à avoir. En tout cas, c'est un modèle, c'est un magazine qui est encore en vente, là, dans le fond. En fait, à nos événements, à nos lancements, on l'avait à la FIMA cet été. Il ne sera pas distribué gratuitement comme nos numéros en série. D'ailleurs, on vient de passer le dernier restant de Decover numéro 17 dans la ville. 17, si on va être majeur au prochain numéro. 3 boîtes! Enfin! Non, fait que c'est ça, je vous. Au bout de vous en amener une vingtaine à soir, mais on va essayer de repasser. C'est toujours une place que ça écoule, les décors. Merci de votre contribution, les gars. Avec plaisir. Vous êtes venus jouer des vidéos pendant le vernissage, le monde a bien trippé, là, ça a fait une atmosphère. Puis votre petite patente du journal est encore là, puis le monde pense que c'est dans l'expo. Puis entre moi et toi, là, la reine autour de 30 ans, c'est ça. Puis même les dimensions, là, tu sais, ma modèle pour la pub originale des méchants. Puis j'ai regardé les photos de la reine, puis c'est comme, je pense qu'elle fitterait la même bra size. Moi, reine. C'est quoi qu'il dit au maire, là, si if I was 100 years younger and. Non, I'd hit up the queen. If I was 100 years older and you were. C'est de plus en plus impertinent. C'est quoi, là? Moi, j'ai fait mon petit texte. Il y a merci, Cédric. Continue à t'inviter. Je pense qu'on s'en va vers Étienne, parce qu'on a parlé de cheveux tantôt. Est-ce que ça s'est réglé, ce dossier-là? C'est pas non, le télé. Tu penses avec les cheveux de qui? Donc, oui, c'est une silhouette. Les cheveux ne sont pas finis. Ah, c'est Sarah! Sarah en arrière-plan ici. Waouh, t'as-tu senti que j'étais ici et t'avais envie de venir me voir? C'est ça? Ouais, nice. C'est sûr que c'était le cool gars. Ouais, hein, même chèque. Je sais pas si c'est positif. Quand Cédric Taillon arrive quelque part, il y a tout le temps plein de filles qui se précipitent. Des belles filles en plus, quoi. Ah, oui, pas n'importe quoi. Donc, on s'est tous remis de Garou. Non. Fait que je me proposais de la faire jouer une deuxième fois. Non, c'est pas vrai. Je vais vous faire jouer quelque chose de beaucoup mieux et d'assez énigmatique, merci. Il s'agit de Marjolaine et Pierre qui ont, en 1960, endisqué une superbe chanson qui s'appelle « Tigui, Tigui, passe-moi ton peigne ». Donc, je pars ça à l'instant. On peut monter notre son, Bridge. Ça serait sympathique. Il n'y a pas de photo de pochette sur celui-là. Ouais. Dieu cherche la photo. Il n'y en a pas. On peut pas aller ouvrir. J'ai pas une tour. Tigui, tigui, sans que t'en peignes. Tigui, tigui. Tiens, là on est bien assis. On prend l'air, on se repose. Ça te rit? Puis on va passer à veiller pareil. Tigui, tigui. Je suis cassé comme deux clous. Deux clous. J'ai pas d'auto ni d'argent. Ça ne fait rien, et je m'en fous. À part ça, je suis pas obligé de me casser le cou. T'auras toujours le temps. Tigui, passe-moi ton pain. Tigui, tigui. Tiens, on peut aller acheter des liqueurs. Tu vas vendre des bouteilles vides. Viens, mon petit cas. On va aller au restaurant chez le voilà, c'est pas mal de même tout le long. Mais ouais, hein? Tigui, tigui, passe-moi ton pain. On a-tu des nouvelles là-dessus? Ben, en fait, ça, là, pour vrai, j'ai fait réellement une recherche pour trouver d'où ça sortait, cette niaiserie-là. Parce que ça fait longtemps que j'ai ça. Quelqu'un m'avait envoyé ça comme une curiosité, puis j'étais un bout à même pas savoir qui avait chanté ça. Finalement, c'est sorti sur un 45 tours, comme étant la phase B d'un groupe qui a fait une seule toune qui s'appelait les Louvaines, qui ont fait une toune en l'honneur de Michel Louvain. Oh. Puis en phase B, il y avait eux autres, Marjolaine et Pierre, qui ont fait Tigui, Tigui, passe-moi ton pain, qui en fait est une traduction de Cookie, Cookie, Lend Me Your Comb. Donc, c'est vraiment traduit mot à mot, à part qu'ils ont changé le nom, oui. Qui avait été faite par un gars, j'oublie le nom, je pense que c'est Edward Burns, qui faisait un personnage dans une émission de télé, qui s'il avait tout le temps son pain puis son côte de cuir, puis voilà. Fait que ça a fait beaucoup de chemin pour se rendre à cette niaiserie-là. Là, tu viens peut-être d'inspirer quelqu'un. Oui, mais c'est un remix, peut-être un remix dance, ça serait, on serait dû, là. Oh, oui. Sinon, un autre, dans le dossier des cheveux, il y a quelque chose de hot qui est arrivé en 1966. Il y a Antoine, français connu, qui chante des chansons, qui est surtout connu pour Les élucubrations d'Antoine, qui est le titre de cette chanson-là. Il représentait beaucoup le mouvement hippie. Oh yeah! Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me fait. Voilà. Là, il parle de tout et de rien. Il est vraiment rebelle, oh, yeah. Hein, il tient tête à sa mère. Tient tête à sa mère. Mais écoutez bien, à deux minutes du début, un petit instant dans ce coin-là. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Non, c'est pas là, c'est juste après ça. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Prochain couplet, là, ça a fait un quiproquo. Oh yeah. Tout devrait changer tout le temps. Le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro. Et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Voilà, Johnny Hallyday en cage à Medrano. Medrano était un cirque. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est faut que ça change, puis on change les modes, puis Johnny Hallyday il est dépassé. Suite à ça, Johnny Hallyday il a été fâché. Carrément, il a été insulté. La réplique. Il a répliqué en chanson. Donc, yeah. C'est comme une bataille de rapper, un peu, mais en 60 ans. Hard rocker français. C'est ça. Il n'y avait pas beaucoup d'armes à feu. Il a gagné le cuir de l'autre. Là. Puis Johnny Hallyday, tout de suite après, a sorti la chanson Cheveux longs et idées courtes. Ah, y a-tu dit? Si M. Kennedy aujourd'hui revenait, ou si M. Gandhi soudain ressuscitait, ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter da-da-da-dam-dam. Da-da-da-dam-dam. Et surtout avant tout, d'avoir les cheveux longs, crier dans un micro. On voit que Johnny Hallyday, il est vraiment pas content. Ah, c'est ça. Fait que, genre, lui, il a comme fait une quote où est-ce qu'il parlait de Johnny Hallyday, genre, dans une toune au complet. Ouais. Johnny Hallyday, il a fait toute une toune à au lui. Au complet. Je vais pas y envoyer une pointe, je vais y faire une toune. Fait que, Antoine, c'est l'escalade de la violence. Exactement. Antoine, il a sorti un 33 tours complet. Johnny Hallyday, c'est de la merde. Hallyday, ça. Mais on va l'écouter, puis ça parle tout de cheveux. Oui, non, ça s'est arrêté là, malheureusement. Mais c'est deux excellentes. Johnny a fait un fils gagnable. T'es-tu en train de me dire que Johnny Hallyday a gagné? Ben, il y a eu le dernier mot. Il a gagné pour l'instant. Mais est-ce qu'il a gagné? Écoute, c'est pas clair encore. C'est pas clair. Antoine, il n'a pas eu une aussi longue carrière que Johnny, fait qu'il n'a pas pu répliquer bien longtemps, malheureusement. Je pense que c'est ça, gagner. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il l'a battu, là. C'est clair. Sinon, des tounes de cheveux. Il y a des tounes de cheveux dans les années 60, dans ce genre-là, mettons, Joël Denis, Les cheveux dans le vent. T'as un petit quelque chose avec Joël, toi, hein? Ah, Joël, écoute, il est magnifique. Depuis que je joue au bingo avec lui, là. Les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champ. On dirait qu'il chante de la tête, lui. Il chante ça de la tête parce qu'il s'en sort pas pour grand-chose d'autre. Joël Denis, donc, les cheveux dans le vent, mais ça, c'est une parmi plein d'autres du même genre des années 60. Par exemple, les Bel Air et la chanson Cheveux longs. Petite toune yé-yé. Et c'est sur un quiproquo, ici. Enroulé ma photo, pensant que j'avais trompé. Avec une autre, elle était désespérée. J'ai oublié de me croire. Je sais pas si on entend bien là. Elle m'a demandé de le voir. Mais c'est aussi simple que ça, car ce n'était qu'un garçon. Un garçon long. Ça, c'est l'histoire d'un gars qui se fait prendre en photo avec de dos avec quelqu'un qui a les cheveux longs, puis que sa blonde, elle pense qu'elle se fait tromper, juste avec ça. Mais finalement, ce n'était qu'un garçon. Ce n'était qu'un garçon avec les cheveux longs. Et le punch final, là, pour nous épargner la toune, c'est que... Sa blonde, c'était un gars aussi. Là, non, c'est ça. Lui, il était mort depuis le début. C'est le rêve. C'est comme ça que ce ça se n'était qu'un rêve. C'est vraiment weird comme ça. C'est que c'était la même personne, en fait. Lui et l'autre c'est gars. Ça, c'est ça, deux personnalités différentes. Ah oui! En tout cas, là, je vous vends le punch, là, mais si vous ne l'aviez pas vu encore depuis 1966, tant pis. T'sais. Donc, voilà. Sinon, bon, il y a d'autres tunes. Il y a Claude François. Claude François aussi, c'est un autre bon. Il a fait la chanson Petite mèche de cheveux. Et regardez, si vous allez voir, c'est inspiré. Si tu m'aimes, donne-moi. Sur l'air de Three Blind Mice. Je serais fier si je portais contre moi. Fier à tout petit. C'est vraiment fier. En 64. Fier de sentir tes cheveux le soir. Je portais. Tout est là pour que ça tape tes nerfs. Ouais. Là, le bon bout, c'est ici. Là, c'est quand ça fait ça. Cheveux, c'est une chorale d'enfant, peut-être. Ouais, ouais, on ferait rendre au top. Une chorale d'enfant, puis de l'accordéon, là, puis là. Ou de la cornemuse. De la cornemuse. Ah, la cornemuse, hein, c'est tant bon. Donc, c'est ça. Il y a une autre toune que je ne mettrais pas. Ouais. C'est juste drôle de dire qu'il y a une chanson qui s'appelle Les Cheveux Blonds, mais ça a été chanté par le groupe Les Chadols. Ça s'écrit S-H-A-D-O-L-S, les Chadols. Je sais pas. Ouais. C'est plate, anyway. C'est dole. Ouais. Patrick Juvet, qui a fait l'enfant aux cheveux blancs, qui est plus disco, ici. Là, on tombe dans les couleurs de cheveux. Ouais, là, c'est du disco, fait que... Ah! Delicious! Il fait 30 degrés à l'extérieur. 40 à l'intérieur. Il écoute les oiseaux chanter. Ah, ici, dans son transistor japonais, ouais. En 76. Il cueille des fleurs en papier. C'est quand même surprenant pour 76. Ça sonne quand même très 80. Ah, il était avant son temps. Ça, en gros, c'est l'histoire d'un enfant aux cheveux blancs, puis j'ai rien compris à quoi que ce soit d'autre. C'est un albinos. Peut-être. Fait rire de lui. Oui, bien, ça se peut. Ce qui est poche. C'est un albinos, fait rire de lui. Sinon, c'est pas un albinos. Sauf si c'est un noir albinos, à ce moment-là, il fait moins rire de lui. Ah, mais il est tué pas mal à la naissance d'habitude. Il est tué pas mal à la naissance d'habitude. Je salue une noire albinos qui était dans la classe de mon fils au primaire, que je me rappelle plus son nom. Elle est pas mortelle. C'est ça, tant mieux. Ouais, hein? Un albinos bon est un albinos qui a le droit de vivre. Sinon, ben, j'avais apporté des tounes de couleur de cheveux de filles, donc je vais passer vite parce que c'est dole. Tout le monde connaît les brunes qui comptent pas. Elle vieillit bien, elle chante aiguë. Il y a Anne Sylvestre aussi qui chantait les blondes, là, puis c'est le même propos. T'es-tu en train de me dire que t'as fini ta chronique et qu'on a assez de parler de cheveux? Ben, presque, il y en a une, je vais arriver à une. Il y a une toune qui est quand même pas pire de Roussia, la chanteuse Roussia. Je me demande de quelle couleur de cheveux qu'elle parle, elle. Et oui, et sa fameuse chanson « Je suis brune ». Non, plutôt je suis... Arrêtez de m'en parler, je le sais, je suis brune, c'est correct. C'est un piège. Je suis rousse, évidemment. 88, et ça sonne pas là, Abdul. Roussia, Abdul. C'est con, t'as ça, t'sais. On l'écoutera pas longtemps, hein? Non, c'est pas longtemps. Hey, Martha, sauf qui peut. Je fais ce que je veux. Tant pis pour la douceur. Le roux est ma couleur. Peu sans artifice. Je suis pas celle qui rougit. C'est excellent. Rien ne m'arrête quand ça me trotte dans la tête. C'est un truc. Rien ne m'arrête quand ça me trotte dans la tête. Ouais, ça tient goût. Voilà, donc Roussia, je suis rousse. Et je conclurai avec une belle chanson de Mononcle Serge sur l'album Mononcle Serge chante 98 qui s'appelle Le Frisé et qui est encore beaucoup d'actualité. C'est bien effrayant ces derniers jours. Quand le drame secoue le milieu de l'humour. Roson s'est fait pogner d'une histoire de cul. Et Daniel Johnson quittait le PLQ. Oui. Moi j'ai toujours préféré le chef sortant. À Ding et Dong, Jean Chrétien et Guy Bertrand. Mais heureusement pour lui succéder, on a choisi un chef aux cheveux frisés. Et ce n'est ni Boule Noire ni Ronald McDonald qui a pris la tête du Parti libéral. Ses cheveux en boucle comme des cornes de bouc. Rehausse le look de ce flouc de Sherbrooke. C'est un frisé, frisé, frisé. C'est la risée, oui, mais c'est un frisé. Oh yeah! Charest soulève en nous des questions importantes. Est-ce qu'il frise naturel ou est-ce une permanente? Est-ce que c'est parce qu'il mange de la laitue frisée? Est-ce que son poil de poche est lui aussi bouclé? Moi, je pense que ses frisettes ne sont pas naturelles. Je me le suis fait confirmer par sa coiffeuse Gisèle. Elle est bien vivante et démontre par là que friser le ridicule ne tue pas. On m'accuse de ne rire que des cheveux de Charest, mais je rirais bien de ce qu'il y a en dessous, s'il y en avait. Imaginez 4 ans, c'est long en calice, quand le premier ministre est frisé comme un petit en bâtisse. Maintenant, imaginez 9 ans. Voilà! C'est ainsi que je termine cette chronique capillaire. Hey, merci beaucoup, Étienne. Ça me fait plaisir. Ce qui nous amène à la dernière aventure présence de Bruno, pour l'émission de ce soir. Oui, c'est ça. Après, tu vas nous laisser et revenir lundi prochain. Faire vos affaires. C'est là, ça, puis, checker ça. Là, voilà, puis les gens parlent, les gens. Alors, voilà. Dans ce qui semble être sorti d'un sketch de Monty Python, le personnel de sécurité du zoo de la ville de Chengdu en Chine a procédé à une simulation pour tester leurs compétences dans le cas où un tigre s'échapperait. De concert avec les gardes forestiers, et là il va y avoir beaucoup de guillemets, là. Ils ont réussi à localiser le tigre et à le tranquilliser, mais le tigre, pris de panique, s'est dirigé vers ses assaillants et les gardes forestiers ont dû le tuer afin de garantir la sécurité du personnel de sécurité du zoo. Alors on voit ici les deux tigres se faire tranquilliser par le personnel de sécurité du zoo à partir d'un char ici. Ensuite de ça, on a une autre photo, une photo next. Ici, on a des gardes de sécurité qui vérifient sa tranquillisation en le poquant avec un bâton. C'est honte. Tu vois qu'ils ont peur de rien. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, on peut passer à la prochaine photo. Ici, on l'a qui est comme désorienté puis il attaque une voiture. Et puis là, après ça, ben, on le voit se faire ramener à la cage des tigres sous le regard ébahi d'un de ses confrères. Wow. qui est déjà en train de crier vengeance. Mais est-ce que Calvin a eu quelque chose à déclarer à travers tout ça? Il il s'excuse. Il devait capoter. Ah, merci, Bruno. Let's go pour une autre. D'accord. Alors, Kenneth Butterworth, un homme de Philadelphie, sillonnant les... Non, ben, ce nom-là. Ça va, Kenneth... Stefanski. Quand même, hein? Kenneth Butterworth, un homme de Philadelphie, sillonnant les voies de l'autoroute frénétiquement quand un autre conducteur a tenté de changer de voie, il l'a klaxonné. Butterworth, pris d'un cas sévère de rage au volant, a poursuivi l'homme et a sorti une arbalète, menaçant l'autre conducteur qui a tout de suite appelé la police. Butterworth n'a pas tiré l'arbalète, probablement à cause de ses croyances bouddhistes, telles qu'indiquées sur sa page Facebook. J'ai été arrêté pour voie de fait. Une arbalète? Oui, il y avait une arbalète dans son char. Puis ça, tu sais, tu peux pas la crinquer en te promenant. Là. Elle était déjà crinquée. Ben, tout le monde sait que crinquer l'arbalète, c'est un move equivalent, puis après ça, tu peux faire un arbalète. Oui, exactement. C'est comme ça que ça marche. Ouais. L'arbalète est considérée comme une arme à feu dans le code criminel canadien. C'est grandir. C'est bon à savoir. Et dernière petite nouvelle, Manuel Fernandez, 54 ans, a raté sa tentative de cabriolage d'un espace d'entreposage après que la base du lit en métal qu'il avait utilisé pour tenir la porte de garage, se soit brisée, coinçant sa tête entre le sol et la dite porte. L'homme a été trouvé par le gérant de l'endroit le lendemain matin après avoir passé 9 heures dans cette position. Un autre héros, man! Le bleu, c'est lui. Pendant ces 9 heures, durant lesquelles il a dû réfléchir un peu, l'homme en est arrivé à la conclusion que la meilleure excuse qu'il pouvait donner était qu'il était là pour réparer la dite porte de garage. Le gérant ne l'a pas cru. Il a appelé la police. Pour vrai, c'est la meilleure excuse. Ouais, pour pendant 9 heures. Même pas l'histoire du chat qui est passé et qui ne savait pas pourquoi la porte était levée et qui a essayé d'aller le chercher. Puis non. Le gérant ne l'a pas cru à appeler la police, puis, se disant qu'il était encore capable de patienter dans cette position quelques minutes, a commencé à le filmer pour la postérité. Ben, on pourrait être sûr. Voilà. Fernandez a été arrêté pour entrée par effraction et destruction de propriété privée. Tout et il va avoir une remise de médaille, bien sûr, le dimanche. Il n'était pas blessé, il avait juste mal à la tête. Ben ouais, il n'était pas blessé physiquement. Non, c'est ça. Merci Bruno, on s'en va écouter un clip, là, ça va être... Ça va être Stéphane Bass, c'est pour Mathieu Boudreau. C'est pour toi, Boudreau, mon frère. Pour toi, mon frère. Yeah. tell you why I came to New York. To dig out the eyes of a worm like you. Most people understand the value of $100, and even a million. Pow, pow, pow. Oh, hey, on va commencer avec les extraits du film de ce soir. J'ai mis le générique du début. Si, en fait, tu peux commencer le film au début, puis je vais lire mon texte là-dessus. On commence en zone profondément des gentils. Là. On va comprendre. À... On va comprendre. Crédible, Logan. Souvent la spiritualité dans son mort moelleux de personnages comme les autres. Bon, on voit la qualité de production, ça ressemble pas mal au TV movie, mais je sais pas. Je sais pas si c'est allé directement ou si dans les films pour la télé. Je sais qu'il y en a deux, Mission d'élite 1, suivi par Mission d'élite 2. Mais ils ont des bonnes genre le Merchant of Death puis le Dark of the Doom Mountain de Grimus. Son terrain, lui ça où il amène toute cette gear là à chaque fois qu'il va aller se pratiquer sur une plage. J'espère que. Parce que juste allumer des torches, c'est un gros paquet de troubles, ouais. Sûrement. Hein. Il est traîné jusque là aussi. Et voilà, il pointe le ciel avec le feu. On comprend que c'est quelqu'un de sage et de puissant à la fois. On est dans l'avion, nos amis les héros. Capture de Baron Carl Vedas. Ah, ben il est bon lui, on l'aime. À cause de son titre hautement masturbatoire, Guerrier d'élite 1, L'attaque de la montagne de la mort de 1997, un film de John Cassar. Lui, en fait, il a fait beaucoup de TV. Il a fait les Baywatch Nights. Il a travaillé sur beaucoup d'épisodes de 24 aussi. Puis, c'est sûr, il fait d'autres affaires bien importantes, que c'est important qu'on sache. Donc, à cause de son titre hautement masturbatoire, il nous a fallu pas mal de temps avant de retracer ce long métrage. On l'a vu bien, souvent dans les clubs vidéo, mais là, non. Comme sur des roulettes, commandant. Il fait le tacking. Bien que Carl Weathers et Shannon Tweed viennent compléter ce All-Star cast de héros dynamiques, la présence de Commando Ultime et de Guerrier d'Élite 2, Attaque du Marchand de la Mort, parce que lui, on l'avait depuis longtemps, puis vu que les deux, c'est des noms tellement masturbatoires, je savais plus lequel on avait, blabla. Ou de quoi de même, là, c'est ça, là, ça a aidé le film de ce soir à rester dans l'ombre pendant longtemps. Ça a été très long avant qu'on le retrouve, tu sais comment ils sont virils. Excuse-moi. Et donc, le voici livré pour vous en cette période de l'avant-Noël du campeur. Ça donne bien en plus parce que Hulk Hogan était au centre de notre dernier visionnement de Noël. C'était, il me semble que c'était Papa Nounou. Ouais, là, Monsieur Nounou, là, ouais. En tout cas, le Père Noël trop musclé. Ouais, non, c'est ça, c'était le Père Noël du trop musclé. Ouais, c'était pas Monsieur Nounou. C'est Santa's. En version anglaise, c'est Santa with muscles. C'est en ça. Français, c'est Monsieur Nounou. C'est-tu Monsieur Nounou pour vrai en français? C'est Papa, je sais pas quoi, ou okay. Monsieur. Parce que Monsieur Nounou, c'est Hulk Hogan qui garde des enfants. Là. Ouais, mais c'est pas Monsieur Nounou, mais c'est une niaiserie de même en français c'est bon. Quand même. C'est Papa, c'est fait. Bien. Si donc, vous voulez, pendant qu'il parle, je vais vous le trouver. Ouais, ben, pas. Ce qui est beau aussi, c'est que dans le derrière de cassette, il est écrit « Fini le tutu pour Hogan ». Ici, il n'y a que de l'action et de l'explosion, là, ces affaires. Ah ouais, c'est bon ça. Mais bon, on se leurra pas, il n'y a rien de nouveau dans le film de ce soir. Rien, rien. Si ce n'est le look le plus hippie que jamais du Malabar de Matamor de Dur à cuire de Terry Hulk Hogan, qui est au centre de notre visionnement pour le mois des gros bras, dans le fond, on est pas mal là-dedans. Mm-hmm. On est dans le quand le Père Noël s'en mêle. Et voilà, quand le Père Noël s'en mêle. Wikipédia m'a dit que c'est aussi Monsieur Papa. Là, c'est à lui que. Ah, c'est ça qu'on cherchait. C'est deux titres alternatifs. Monsieur Papa. Monsieur Papa. Ouais. Explosion, séquence d'introduction tout croche, mise en scène facile, plan de caméra de CGP. On est définitivement en terrain connu et qui nous intéresse. De plus, la variété des héros capables de botter, mélangée à la haute densité de bottage, sera vous gardant en haleine. C'est un très bon film. J'adore les films de mercenaires, moi, personnellement. Les mercenaires d'action, surtout quand il y a le minimum de passes de bureau et de passes de blonde, parce que souvent, ça étire. Peut-être suis-je un fan invétéré, mais avant de retourner écouter quelques séquences du film, je tiens à terminer mon exposé en parlant de Billy Drago, un acteur unique et puissant qui sera crevé l'écran ce soir en usant de sa série de gestuelles bien à lui. Billy Drago, appelé l'incommensurable laideron par pratiquement tout ce qui a des yeux, va engluer tout le monde en tant que méchant dealer de drogue, de bonne cocaïne, de la meilleure sur Terre, de l'univers à ce prix-là, c'est la... Encore un petit bout du film, Dieu, j'aimais ça, moi. Ça me prenait, c'était l'histoire, pis tout. Ils sont dans l'avion, là, on va comprendre les méchants. On avait écrit quelque chose en tant que New Woman, pis ça fait... Ça commence sur une passe de doigts. Cette cocaïne, elle est comme vous. Le top niveau. Pour 5 millions de dollars, c'est le minimum. Vous ne trouverez rien de cette qualité au prix que vous la touchez. Nulle part au monde. Il faudrait qu'on s'entende au sujet de la livraison. J'aimerais avoir une garantie. Quel genre de garantie? Par des sœurs, hein? Satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que vous nous rendriez nos diamants si votre chargement était saisi. Le chargement ne sera jamais saisi. J'ai pris des dispositions pour que plus personne ne puisse intercepter ma marchandise, mais afin de démontrer ma volonté, j'accepte de garantir 25% de la valeur de votre chargement. Si on disait 100%. Cet endroit est sordide. Si on terminait cette négociation dans mes appartements... Et bateau, hein? Moi, je vais vous laisser ce bout-là parce que bientôt, Billy Drago va dire quelque chose que j'avais jamais entendu dire. 50%, c'est correct. Et je n'irai pas plus haut. Je suis sûr que vous pouvez aller un peu plus haut. Je sens que ça vient, d'ailleurs. On était plus en sécurité à l'époque où vous étiez tous communistes. Ah, oh, bon, c'est l'économie de marché maintenant. Que diriez-vous de 60%? Je crois que vous pouvez aller encore plus haut. Oh, ouais, non! Shannon Twain monte ses boules. 70%. Pow! C'est Billy Drago, il a dit 70% en pognant les boules à Shannon Twain. Hey, moi, je dors bien là-dessus, en sapristi. Hey, avant de finir l'émission, on va aller écouter un petit clip avec Adrienne Brody, mais sinon, je pense qu'on a fait ça pour la semaine. Revenez-nous la semaine prochaine, on va avoir des invités fabuleux. Ben, il est où, celui qui fait les chamans, là? Pourquoi il est pas là? Bon, ben... J'ai un message à passer pendant que le chaman prend place. Chaman. S'il y en a qui s'intéressent, le festival Fantasia, qui se déroule très bientôt à Montréal, ça s'en vient. Ça commence cette semaine, ce jeudi. Eh bien, en ligne sur Douteux TV, vous aurez accès ce mercredi dès 20h30 à toutes les bandes-annonces, une partie des conférences de presse, et plus! Fantasia 2012, ce mercredi, sur douteux.tv, à 20h30. Télé délaissée. T'as l'air pas mal franchisé, mon Dieu, en tout cas. Mais ça, c'est parce que... C'est le fun que t'aimes ça, notre canal de TV, Dieu. Mais si je fais autant de publicité, c'est parce que douteux.org va présenter un intermède de 25 minutes au cours de la nuit excentrique. Ça va être fabuleux, on vous promet du kidnapping, un entraînement et une vengeance, sans compter toutes les explosions. Vous saurez plus quoi faire avec tellement qu'il y en a. Sur ce... Chaman! Chaman! Wow! Ou amazonien, c'est selon. Crissement plus fort. Témoignage réel. Ma santé a commencé à se dégrader lentement au point où j'étais d'être incapable de marcher. La science médicale n'a pas pu trouver aucune explication. C'est deux négatifs, ça. Hein? Ouais, on en a trouvé okay. plein. Maintenant, je peux décrire qu'il y a des forces occultes. Après avoir vu le visage de mon ennemi dans un rêve, j'ai vu comment mon corps a eu un sort extérieur. Hey, chaman! Merci de m'avoir sauvé, chaman! Chaman! De ses forces du mal. De Lalita. Le mal. Sont la vérité. Sont la vérité. Sont la vérité. Vérité. Guérisseur de naissance 100% garanti. Témoignage réel. Guérisseur de naissance. Mon nom est Denise et je veux écrire ce témoignage pour Chaman. Chaman. Parce que depuis qu'il a exercé ses cérémonies, la douleur dans mon dos et dans mes jambes ont disparu. Maintenant, je suis libre d'un sort que mon ancien meilleur ami a fait contre moi. Je pense pas que ce soit encore son meilleur ami. Hein? Ben, c'est son ancien meilleur ami. Ça, c'est la face de l'ennemi. Asti, la face trahi de l'ennemi. Par la personne en qui elle avait confiance. Trahison. Soigne toutes sortes de maladies d'influences négatives. Révèle la face de l'ennemi. L'ennemi. Chaman! Chaman! Merci Bruno. Ben oui. Fred. Fred, merci. Émissaire du chaman. Merci Étienne, Andy, Fred, Lou, les autres, là, la gang, là, Mathieu, Louis, Cédric Taillon, Bruno, Elisabeth II, Louis C.K. Tout ça, là, on va écouter Adrienne Brody, puis après ça, on écoute le film de la semaine, c'est Mission d'élite 1, l'attaque de la montagne de la mort. Puis après ça, on s'en va au bois, manger de la poutine, je pense, ouais. Ouais, c'est un rendez-vous. Ouais, parti vendredi date, geek. Première page du devoir. La semaine prochaine, le 27. Du campeur Noël. Parle les Noël, patentes. Noël. Sur douteux.tv, la télé des délaissés. Oh. Après la pause, poursuivez avec...